According to the Siddhi Tathāvinita Sutta, taught by the Buddha, I explained, according to the text, how to live happily, physically and mentally, in peace manner, what the Buddha taught. Three qualities we must have. Je vous ai expliqué comment vivre heureux et en paix physiquement et mentalement, et ces explications étaient conformes à l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha nous dit qu'il faudra pour cela disposer de trois qualités. La première consiste à bien garder les portes sensorielles. La deuxième consiste à savoir manger avec modération. Et la troisième consiste à être toujours vigilant avec dévotion. Mais en plus de cela, il faudra s'efforcer de se débarrasser des quatre asavas. Je vous ai parlé de cela hier et avant-hier. Je vous ai expliqué comment il faut procéder pour bien garder les facultés sensorielles. Aujourd'hui, je vais poursuivre mon enseignement et je vais vous expliquer comment bien garder la porte de l'esprit. Même si cet enseignement s'enracinait dans les Écritures et était théorique, les yogis comprennent naturellement de quoi il s'agit, car chaque jour, ils entendent les instructions. On leur demande constamment de développer leur attention sati. Sati doit devenir très forte. Elle doit devenir forte de façon à pouvoir voir les choses telles qu'elles sont réellement. Le yogi devra donc noter voir dès qu'il voit quelque chose. Il devra noter entendre dès qu'il entendra quelque chose. Il devra noter sentir lorsqu'il sentira une odeur. Il devra noter goûter lorsqu'il goûtera une saveur et il devra noter toucher lorsqu'il aura un contact physique. Et il doit constamment réentendre ses instructions pour mieux comprendre. Dans le texte, il est expliqué que lorsque le yogi voit apparaître en lui un objet mental avec son esprit, il ne doit pas reconnaître les détails de ce qu'il voit. Par exemple, il ne doit pas reconnaître s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Il ne doit pas non plus s'attarder aux parties. De cette façon, il garde correctement son esprit par l'attention. On parle parfois des objets mentaux. On parle parfois des objets de l'esprit. Ces expressions sont équivalentes. En posture assise, le méditant va s'efforcer de noter sans arrêt les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il le fait de façon respectueuse, très attentivement. Mais malgré cet effort, il ne réussit pas à maintenir son esprit toujours sur ses mouvements. Son esprit, à un moment donné, va se mettre à penser. Nous sommes ici à pratiquer la méditation. Dans cette salle, il y a une porte principale. Lorsque quelqu'un passe par cette porte, nous savons que quelqu'un est entré. Nous observons les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, et à un moment, une pensée s'introduit dans notre esprit. Notre esprit n'est plus sur l'objet. Cette pensée s'est introduite par la porte de l'esprit, Manodvara. L'objet mental, la pensée, est donc entré par la porte de l'esprit. Si c'est le cas, il faut immédiatement noter « pensée, pensée ». Si nous ne notons pas « pensée, pensée », cet objet mental va se développer et finalement, il va submerger notre esprit. Il ne sera plus possible alors de le noter, tout simplement parce que Sati n'est pas présente. Si nous ne réussissons pas à noter pensée, pensée à l'instant précis où la pensée se manifeste, Des images vont apparaître dans notre esprit, en rapport avec cette pensée. C'est la même chose pour les sons. Si nous ne réussissons pas à noter, entendre au moment précis où nous entendons le son, il est inévitable que des images ou des imaginations se manifestent dans notre esprit en rapport avec ce son. Souvenez-vous de l'histoire de Nanda, qui n'avait pas réussi à noter entendre et qui avait vu toutes sortes de choses en imagination. Vous verrez donc toutes sortes de choses en imagination. Parfois, ces imaginations seront agréables, l'objet sera agréable, et il fera naître la joie, le bonheur. Mais ce bonheur s'enracinera dans les plaisirs sensuels. C'est donc une pensée non sage. Parfois, si l'objet est désagréable, c'est la colère qui va apparaître dans votre esprit. La colère, c'est une akusala. Parfois, c'est la dévotion qui va se manifester, saddha. Il se peut donc que l'objet soit agréable ou désagréable. Dans les textes, il est dit que lorsque on expérimente un objet mental, il ne faut voir que les caractéristiques générales de cet objet mental. Il ne faut pas s'attarder aux détails ni aux parties. Il est possible de le faire si on note avec attention pensée au moment précis où cette pensée se manifeste dans l'esprit. Mais si l'attention est absente ou qu'elle est faible, il ne sera pas possible de noter la pensée au moment précis où elle se manifeste. Elle ne s'arrêtera donc pas et forcément on verra les détails même si cet objet n'est pas réel, si c'est de l'imagination. Ce sont des créations mentales, mais qui font cependant naître l'attachement, la colère, l'avidité, si on n'a pas réussi à noter pensée au moment où la pensée s'est manifestée. De cette façon, l'esprit n'est pas bien gardé. Vous êtes donc capable de noter pensée à l'instant même où la pensée se manifeste, et vous voyez que cette pensée disparaît. Vous voyez cela parce que vous êtes très attentif. Le fait de noter, c'est l'esprit. L'objet mental, c'est aussi l'esprit. Le siège de l'esprit est dans le cœur. C'est donc Rupa. De cette façon, le yogi comprend l'esprit et la matière. Si nous sommes capables de noter attentivement les contacts sensoriels, comme voir, entendre, sentir, goûter, toucher, il est impossible que les kilesas, les impuretés, pénètrent dans l'esprit. Au moment précis où le méditant note attentivement ses contacts sensoriels, il n'y a aucun désir dans son esprit, il n'y a aucune avidité. Les impuretés sont toujours prêtes à pénétrer dans l'esprit. Elles n'attendent que l'occasion. En l'absence de sati, elles sont susceptibles de s'introduire à n'importe quel moment. C'est pourquoi le Bouddha nous demande de fournir un effort physique et mental. Nous devons donc garder nos facultés sensorielles. Inriya Guta Dvara. Les facultés sensorielles doivent être bien gardées. Voyons maintenant la deuxième qualité. Savoir manger avec modération. Selon le sutta, lorsqu'il mange, le yogi doit réfléchir. Les moines doivent réfléchir au moment où ils mangent, même si ce ne sont pas des moines qui pratiquent la méditation. C'est une règle. Lorsque donc ils mangent, les moines doivent se souvenir qu'ils ne le font pas pour le plaisir, ils ne le font pas pour la beauté, ils ne le font pas pour la santé, pour la vigueur. Ils ne le font pas par amusement. Ils ne le font pas pour satisfaire un désir sensuel. Les moines ne mangent que pour maintenir leur corps en bonne santé, pour maintenir les quatre éléments en équilibre. Ils mangent uniquement donc pour équilibrer les quatre éléments en eux, pour ne pas tomber malade, pour éliminer les anciennes maladies, pour pouvoir pratiquer le sasana du Bouddha, l'enseignement du Bouddha, pariyati, Et Patipati, Pariyatti c'est la théorie, Patipati c'est la méditation, que ce soit Vipassana ou Samatha. C'est donc la signification de manger avec modération. Nous qui sommes ici, nous pratiquons la méditation et c'est la meilleure façon de manger avec modération. Car lorsque nous prenons notre repas, nous appliquons les instructions du Satipatthana Sutta et nous mangeons avec attention. C'est-à-dire que nous observons attentivement tous les mouvements que nous sommes amenés à faire au moment où nous mangeons. C'est la meilleure façon de manger avec modération. De cette façon, nous pourrons maintenir notre corps en équilibre. Dans les Écritures, il est également recommandé de ne pas manger à satiété. Il faut essayer de se priver des 4 ou 5 dernières bouchées. En Birmanie, on mange avec les doigts. C'est pourquoi, dans les textes, on dit que ce sont des 4 ou 5 dernières bouchées dont il faudra se priver. Ici, on pourrait dire les 4 ou 5 dernières cuillerées. Et il faudra boire de l'eau à la place. Si on mange trop, la digestion se fera difficilement et la somnolence va s'introduire. Il faut donc manger suffisamment pour ne plus avoir trop faim, mais pas exagérément. Le yogi observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen pendant sa méditation. Pour voir ces mouvements, il doit prendre des respirations complètes. Il va également pratiquer la marche. De cette façon, s'il ne mange pas exagérément, en une heure, il aura digéré son repas. Vous devez donc boire de l'eau pour aider à la digestion. Si vous appliquez ces instructions, ces recommandations, vous pourrez méditer confortablement. Si vous voulez vraiment atteindre quelque chose dans votre méditation, vous devez essayer d'appliquer ces recommandations. La troisième qualité consiste à se montrer toujours vigilant, alerte. L'esprit doit toujours être vif, vigilant. Ceci veut tout simplement dire que nous devons emmener notre attention avec nous pendant toute la journée. On peut diviser la nuit en 3 parties. La première va jusqu'à 10 ou 11 heures. La deuxième partie de la nuit, c'est de 11 heures à 2 heures ou 3 heures du matin. Et la troisième partie de la nuit, c'est de 3 heures du matin à l'aube. Si donc nous pensons que 10 heures du soir ou 11 heures du soir, c'est la première partie de la nuit, jusqu'à 10 ou 11 heures du soir, cela nous donne 4 heures jusqu'à la deuxième partie de la nuit. La deuxième partie de la nuit commence à 2 heures du matin. Ensuite, il y a de nouveau 4 heures jusqu'à l'aube. Selon Mahasi Sayadaw, le yogi doit dormir 4 heures par nuit. Si c'est nécessaire, il peut aller jusqu'à 6 heures. 6 heures de sommeil par nuit, c'est suffisant. Pendant la première partie de la nuit, donc, le bhikkhu devra pratiquer de façon diligente et sans arrêt. Vous devez donc être très résolu et vous montrer très diligent pendant la première partie de la nuit. Ensuite, vous allez vous mettre au lit et vous devez vous endormir en étant attentif et en étant résolu à vous réveiller avec sati l'attention. Ceci prendra un certain temps, il faudra que vous vous entraîniez, mais après quelques jours, vous serez conscient du premier moment de la journée lorsque vous vous réveillez. Vous allez donc vous réveiller avec sati l'attention. Et vous allez ensuite commencer à méditer. Vous devez commencer par pratiquer la marche et ensuite vous passez à la méditation en posture assise. C'est donc de cette façon que nous devons pratiquer en essayant d'acquérir ces 3 qualités si nous voulons nous débarrasser des asavas. So shall we recite again 4 asavas now? Nous allons répéter maintenant, si vous le voulez bien, les 4 asavas. Kama sava, la purulence du désir sensuel. Bhava Sova, la purulence de l'attachement à l'existence. Ditta Sova, la purulence des vues fausses. Avijja Sova, la purulence de l'ignorance. Please repeat after her. Kama Sova, la purulence du désir sensuel. Bhava Sova, la purulence de l'attachement à l'existence. Ditta Sova, la purulence des vues fausses. Avijja Sova, la purulence de l'ignorance. Kama Sova, la purulence du désir sensuel. Bhava Sova, la purulence de l'attachement à l'existence. Ditta Sova, la purulence des vues fausses. Avijja Sova, la purulence de l'ignorance. Kama Sova, la purulence du désir sensuel. Bhava Sova, la purulence de l'attachement à l'existence. Ditta Sova, la purulence des vues fausses. Avijja Sova, la purulence de l'ignorance. Tous les matins, nous contemplons les 9 qualités du Bouddha. Le Bouddha était, notamment, celui qui détenait la connaissance et la conduite parfaite. Le Bouddha a donc ces 3 qualités dont il vient d'être question, mais il en a beaucoup d'autres. Nous avons également commencé à développer ces qualités, mais ce n'est pas encore parfait. Cela dépend de notre attention. Mais au moins, nous comprenons la condition de l'esprit. L'esprit n'est pas facile à contrôler, il est difficile à maintenir sur l'objet. Parfois, nous réussissons à observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Nous avons alors la concentration momentanée, kanika samadhi. L'esprit colle pendant un instant à l'objet. Nous devons essayer de développer cette concentration, ce kanika samadhi. Nous allons progressivement réussir à être attentifs de plus en plus souvent. Mais ce n'est pas encore parfait. Le Bouddha, quant à lui, avait 3 connaissances, 3 vijjas. Il était capable de se souvenir de ses vies antérieures, des siennes et de celles des autres. Il avait l'œil divin et il s'était complètement débarrassé des asavas, les 4 purulences dont nous venons de parler. Il avait donc la connaissance parfaite. Ses facultés sensorielles étaient également très bien gardées. Aucune kilesa, aucune impureté ne pouvait pénétrer dans son esprit. Il était donc parfait au point de vue de la conduite. Le Bouddha était également capable de manger avec modération. Et il ne prenait que 2 heures de repos par nuit, pendant la partie centrale de la nuit, la deuxième partie de la nuit. Le reste du temps, il travaillait sans relâche pour le bien des êtres. Après son illumination, le Bouddha aurait pu très facilement vivre heureux tout seul. Mais ce n'était pas son intention. S'il était devenu un Bouddha, c'était dans l'intention d'aider tous les êtres à se libérer eux également de la souffrance. Le Bouddha avait donc une très grande compassion. Il avait également un amour bienveillant très développé. S'il voyait quelqu'un qui était prêt à atteindre l'illumination, il se rendait auprès de cette personne, même si les conditions étaient très difficiles. That is enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.